Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le très populaire Montréal Matin. Les journalistes de Montréal Matin sont parmi les plus responsables que je connaisse, sont parmi ceux qui aiment le plus leur métier, et c'est un des rares journaux où l'amour du métier et l'envie d'améliorer le journal existent encore. Le journaliste Jean V. Dufresne est chroniqueur au Montréal Matin au moment où est annoncée la fermeture du journal. L'amour du métier et l'envie d'améliorer le journal dont parle Jean V. Dufresne à l'émission Présent en janvier 1979 correspond à l'état d'esprit qui habite la salle de rédaction du Montréal Matin au moment de sa fermeture. Il faut dire qu'au début des années 70, le Montréal Matin vit en fait un nouvel âge d'or qui va se terminer abruptement avec l'annonce de la fermeture du journal le 27 décembre 1978. Sur tous les sports. Il y a les potins sur les vedettes. Les mots croisés, les mots cachés. Le cinéma et la télé. L'information la plus complète. Les horoscopes et les recettes. L'éditorial de Dorando. Et le dimanche à tout ce qu'il faut. Demain matin, prends ton matin. Montréal Matin, ça commence bien. Ne cherchez plus d'autres. Là-dessus, ton matin? Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cette publicité du Montréal Matin présentée en 1974, au moment où le journal est probablement au sommet de sa popularité, pour nous raconter l'histoire de ce grand journal populaire, nous rappeler aussi le contexte dans lequel sera annoncée sa fermeture en 1978. Je reçois Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission, ancien éditorialiste au Montréal Matin. Marc Laurendeau, en chef. Même. Éditorialiste en chef. Marc Laurendeau, bonjour. Oui, c'est un joueur capital, hein, Montréal Matin. Et je suis content que vous donniez ouverture à ça aujourd'hui, l'histoire. C'est vraiment important. Vous allez nous évidemment, vous avez un attachement, vous allez nous en parler, mais au-delà de ça, dans l'histoire du Québec, vous considérez que c'est un journal important? Ah oui, oui, oui. Dans le portrait de l'information au Québec, ça a été le principal journal du matin à Montréal. Il a rayonné ensuite sur tout le Québec. À partir des années 60, on pouvait même l'acheter à Paris. Il a duré 48 ans, de 1930 à 1978. Un journal, vous savez, c'est le miroir d'une société. Il a reflété la crise économique, la Deuxième Guerre mondiale, le baby-boom, la Révolution tranquille. Il a amené par ses couvertures de Camélien Houde à René Lévesque. Il a tiré, à une époque, jusqu'à 160 000 exemplaires. C'est un journal aussi, c'est un milieu de vie, une famille. Il a compté jusqu'à 500 employés. Oui. Montréal Matin. Les journalistes tiennent encore des réunions périodiques. Nous avions la dernière en décembre 2018. Nous marquions les 40 ans de la fermeture. Et ça méritait une thèse de doctorat, la formidable thèse de Mathieu Noël, doctorat en histoire, hein, fameuse thèse, et le livre de Joseph Bourdon, artisan qui était au journal à sa fondation, qui est resté presque jusqu'à la fin. Donc ça montre d'une part l'importance objective qu'a eu ce journal-là, et ça montre aussi pour ce qui est des rencontres des anciens, dont vous êtes, Marc Laurendeau, l'attachement que ces anciens, ceux qui ont travaillé au Montréal Matin, continuent de garder pour ce journal-là. Vous avez été là 5 ans, de 73 à 78. Vous faisiez quoi? Puis pourquoi vous êtes si attaché aussi à ce journal-là? Pour plusieurs raisons. D'abord, en réponse à la deuxième partie de votre question, j'étais écotier, social, culturel. J'avais une page avec des petites nouvelles courtes puis de temps en temps des commentaires. Ouais. J'ai fait ça pendant à peu près un mois et demi à mon entrée au journal. Ensuite, je suis devenu éditorialiste en octobre 73, puis en 75, éditorialiste en chef. Là, je dirigeais la page, les lettres ouvertes, toutes les opinions. Je recrutais des commentateurs aussi. Un journal, c'est un milieu de vie où on apprend, où on se crée des solidarités. Et ça, on ne l'oublie pas, même quand on a quitté le journal et qu'on fait autre chose. Et ça, c'est un des bons souvenirs. Dans votre carrière, Marc, c'est une des périodes que vous chérissez. Ah, tout à fait. On apprend une méthode de travail aussi. Il faut dire que vous étiez en bonne compagnie. Il y a plein de voix importantes du journalisme qui vont se retrouver ailleurs après la fermeture du journal, qui sont là au moment où vous y êtes. Gérald Leblanc, je vous rappelle, Bernard Brisset, Claude Piché, Benoît Aubin, Jean V. Dufresne, qu'on entendait tout à l'heure, Marcel Desjardins, Michel Laure, Nicole Gladu, qui réclame ces temps-ci l'aide médicale à mourir. Un peu avant, il y avait Pierre Folliat qui avait couvert les funérailles de Pierre Laporte, puis dirigeait un cahier sport. Louise Cousineau a fait ses débuts au Montréal Matin. Ce journal a engagé beaucoup de femmes aussi à Montréal Matin, entre un tiers et un quart de la salle de rédaction. Dans les années 40, Jovette Bernier, déjà féministe, libérée avec des opinions solides, bien trempées. Dans les années 50, Roger Duhamel, homme de lettres et juriste, qui sera directeur et rédacteur en chef. Beaucoup de célébrités à ce journal. Et ce journal-là, évidemment, il a eu ses hauts, ses bas, il a fini par fermer, mais il a été à un moment donné très, très populaire. Ça marchait du tonnerre, le Montréal Matin. Pourquoi? C'était quoi la recette du journal? Parce qu'il se voulait proche des gens. On mettait en évidence les grands titres, avec des photos, une mise en page ordonnée, attrayante, claire. C'est moins austère que la presse qui, j'ai vu ça là, sur 9 colonnes, essayait de tout mettre sur sa première page. C'était assez ardu à lire. Et il y avait beaucoup de sport, de faits divers, d'affaires judiciaires, des meurtres, des évasions. Michel Rivard a bien saisi ça dans sa célèbre chanson là, où il dit « C'est un assassin du Montréal matin ». Ben, on parlait beaucoup de ces faits divers, des évasions, puis de Jacques Mazarine, etc. Ouais. Cette aventure-là commence en 1930. Ça s'appelle d'abord, le Montréal Matin, l'illustration. Parlez-moi un peu de ça, Marc Lorenzo. Dans quel contexte est créé le journal? Dans sa première incarnation, le journal est fondé par Eugène Berthiaume. C'est un des fils de Trefflé Berthiaume, propriétaire fondateur de la presse. Eugène Berthiaume est frustré du fait qu'une donation faite par son père, en 1914, le met en minorité dans le contrôle de la presse. Les décisions des tribunaux et même de l'Assemblée législative qui s'en mêle ratifient les effets de la donation et même les dispositions testamentaires, rien à faire, il reste en minorité. Alors c'est Pamphile Dutremblay, le mari de la sœur d'Eugène Berthiaume, qui va contrôler la presse. Il est proche des libéraux. Eugène Berthiaume a plus d'affinité avec les conservateurs provinciaux. Il fonde l'illustration pour avancer ses intérêts auprès des décideurs et pour faire valoir son point de vue sur la succession de Trefflé Berthiaume. Il est encore obsédé par ça. Et ce journal naîtra et périra dans une crise avec les dirigeants de la presse. Chicane de famille, puis c'est bon, un dérivé de la presse, effectivement, au départ. Cela dit, dès ses débuts, le journal va connaître des difficultés financières, Marc. Des difficultés financières qui seront dues à toutes sortes d'aventures. Le journal appuie Camélien Houde, maire de Montréal, qui est aussi chef du Parti conservateur du Québec et qui veut devenir premier ministre. Alors, Eugène Berthiaume va même, et c'est inédit ça, louer pour une période circonscrite les actions de l'illustration. L'aventure tourne mal, il y a des mauvaises décisions. Camélien Houde est battu aux élections générales de 1931. Perd la direction du Parti conservateur, perd même la mairie de Montréal. Alors, puis là, comme il a mal administré le journal, il y a des dettes, on s'entend avec les créanciers, on cesse brièvement la parution même. Et le journal reparaîtra, début des années 30, sous un nouveau nom, Illustration Nouvelle, avec des bureaux rue Marianne. Ouais. Arrive la Seconde Guerre mondiale, on va avancer un petit peu dans le temps et dans l'histoire du Montréal Matin, et là, le journal va traverser une période, je pense qu'on peut dire une période sombre. C'est Adrien Arcan qui va se retrouver à la direction du journal à la fin des années 30. L'ancien journaliste du Montréal Matin, Joseph Bourdon, se rappelle cette époque, vous allez voir, une époque assez particulière, extrait de l'émission Le Point Média en décembre 1993. Adrien Arcan rédigeait des éditoriaux. Il écrivait les meilleurs articles en faveur de Duplessis, vous savez. Il n'était pas question du parti fasciste. Mais il lui arrivait parfois de tenir des ralliements publics pour son parti, pour le parti fasciste. Alors, il venait avec sa chemise noire, je pense. Et même sa femme portait l'uniforme. Elle venait le voir de temps à autre, puis elle portait l'uniforme. Et vers 5h30, nous voyons toujours arriver le major Scott, qui était le garde-corps d'Adrien Arcan. Hein. Alors, c'était un colosse d'homme. Et lui, il portait l'uniforme, vous savez, quand il entrait, il faisait claquer, tu sais. Ça, c'est assez intéressant. Ben, c'est incroyable, en fait, d'écouter ça. C'est toute une époque, évidemment, Marc Laurendeau. Comment décrire cette période-là où Adrien Arcand, qui va créer le Parti nazi québécois, en quelque sorte. Nazi et chrétien. Ouais. Et c'est un journaliste talentueux. Au début, il est à la presse. Et là, il tente de fonder un syndicat. Et c'est le propriétaire, toujours le fameux Pamphile Dutremblay, qui le congédie. Grande colère d'Adrien Arcand, qui veut se venger d'ailleurs, et qui est engagé à l'Illustration nouvelle. Alors, il a en commun cette haine de Pamphile Dutremblay avec Eugène Berthiaume, qui a aussi une sympathie pour le régime de Benito Mussolini en Italie, où il fait des affaires, Eugène Berthiaume. Adrien Arcand monte en grade dans le journal. Il devient l'actionnaire minoritaire et un éditorialiste. Il y a même une forme de direction qu'il a sur la salle de rédaction. Mais il vient en parallèle, Bourdeau l'invoque à l'instant, il fonde le Parti nazi canadien et le journal, pendant ce temps-là, a appuyé l'invasion de Mussolini en Éthiopie, a appuyé la prise de pouvoir par les fascistes de Franco en Espagne. Alors Eugène Berthiaume regarde aller ça, puis rencontre Arcand, puis lui dit « Écoute, moi, les fascistes, j'ai rien contre, je les trouve même plutôt sympathiques, nouvelle forme de pouvoir. » Mais les Juifs, je veux pas que tu parles de ça dans mon journal, là, parce que là, j'ai des commanditaires. Puis il y a surtout Steinberg, qui est juif hongrois, dont j'imprime les fascicules, puis qui est un gros commanditaire. Touche pas à ça. Ouais. Sauf que Arcand respecte cette ligne d'ordre. Puis parfois, Berthiaume s'impatiente, il dit « Es-tu chef du parti ou mon rédacteur en chef? Il va falloir que tu choisisses. » Mais je pense qu'on va choisir pour lui, c'est-à-dire qu'on va, en 40, Arcand est arrêté pour toute la durée de la guerre et emprisonné. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tolérer, évidemment, des opinions comme celle-là. Et à la fin de la guerre, à la fin de cette période-là, et plutôt au début de la guerre, Eugène Berthiaume écrit, il donne une directive à ses journalistes. « Écoutez, les Alliés ne me sont pas très sympathiques, mais il faut quand même les appuyer. Oui. Faisons cela. » Mais c'est très, très révélateur. C'est l'intérêt de cette émission, entre autres, de nous replonger dans l'état d'esprit d'une époque. Aujourd'hui, ça nous semble invraisemblable, mais il y avait des courants comme ça vraiment importants au Québec et dans des journaux importants à ce moment-là, donc à Montréal et au Québec. 41, le journal change à nouveau de nom, devient le Montréal Matin. À quoi correspond ce changement de nom, Marc Laurendeau? C'est le nouveau directeur, très dynamique, Jacques-Narcisse Cartier, qui veut moderniser le journal. C'est pas n'importe qui, là. Il a été dans les hautes sphères de la fondation de la radio. Il est même le fondateur de CKAC. Alors, à partir des années 40, il y a une espèce d'âge d'or qui s'installe grâce à lui. Le journal devient plus généraliste, correspond encore mieux aux besoins du public. Et il y a l'arrivée de Jacques Beauchamp, votre homme en hymne, qui est un commentateur sportif, qui va célèbre se bâtir. Commentateur sportif. Il est déjà célèbre, mais il va devenir très, très costaud là, jusqu'à la fin des années 60. Et autre facteur, retour de l'Union nationale au pouvoir après la guerre. Et n'oubliez pas que Montréal Matin, le journal, est plus proche de l'Union nationale que des libéraux, certainement. Ouais. Alors, le retour au pouvoir de Maurice Duplessis, l'Union nationale, va l'aider. Et le tirage double en 3 ans. Incroyable. Ils sont si proches, en fait, déjà, du Montréal Matin, qu'en 1947, le parti, l'Union nationale, va acheter le journal. Ça aussi, avec nos yeux d'aujourd'hui, ça semble invraisemblable. Pourquoi d'abord l'Union nationale décide-t-elle d'acheter ce journal? Ben, dans l'ordre des choses, Eugène Berthiaume meurt en 1946. Maurice Duplessis veut s'appuyer sur un journal qui va soutenir son régime. Et pendant un temps, il va même envisager, parce qu'il y a une majorité d'alliés au conseil d'administration, du Devoir, figurez-vous. Il va dire « Le Devoir pourrait m'appuyer ». Mais il y a une vague de décès qui lui fait perdre cette majorité. Alors, il doit renoncer à contrôler le Devoir. Alors, Maurice Duplessis va convaincre Jean-Narcisse Cartier, qui est d'ailleurs son petit cousin, ça aide, de vendre Montréal Matin à l'Union nationale. Maurice Duplessis va détenir toutes les actions du journal et à partir de là, jusqu'en 1973, chacun des chefs de l'Union nationale va posséder toutes les actions du Montréal Matin. Ouais. Ça va durer 25 ans. Montréal Matin appartiendra au chef de l'Union nationale. Évidemment, ça pose des questions sérieuses sur le plan de l'éthique. Quel impact ça va avoir sur le journal, le fait que son propriétaire soit l'Union nationale? On écoute à ce sujet Lucien Landlois, qui a été éditorialiste au Montréal Matin, extrait de l'émission Présent en 1968. C'est-à-dire qu'on me considère comme un porte-parole, mais je ne suis pas un porte-parole. Je n'ai pas de directive. J'assume le journal, j'assume, n'est-ce pas, l'orientation du journal, moi, je me débrouille. Je peux. Mais je ne sois pas de directive précise. On ne dit pas écrit ça, telle chose, comme ça, dans tel sens. Jamais. Ça m'est jamais venu. Mais je maintiens que moi, éditorialiste, j'exprime une opinion et j'ai le droit de l'exprimer. La liberté de la presse, c'est le fait qu'on exprime plusieurs opinions dans différents journaux et différentes orientations. À l'époque, l'Union nationale était vilipendée. Ça m'indignait. J'étais beaucoup plus violent à cette époque-là qu'aujourd'hui. Je veux dire, tu sais, tout le monde voulait descendre l'Union nationale, comme tout le monde a voulu descendre du PC, ça me choquait. C'est ridicule, c'est impossible. Un parti ne peut pas être entièrement noir, ni un homme non plus. Il y a des bons et des mauvais côtés. Mais quel impact ça va avoir concrètement, Marc Laurendeau? C'est quand même particulier qu'un parti politique détienne un journal, un quotidien. Quel impact ça va avoir concrètement sur le contenu du journal? Michel Langlois était un grand éditorialiste hein, de journal, et puis il écrivait des éditoriaux, mais des billets qu'il signait Luc, et puis il était omniprésent dans le journal. Ça a été un des grands du journal. Il va mourir prématurément, mais... Maurice Duplessis a la sagesse de ne pas faire de Montréal Matin un journal de combat comme au 19e siècle, ni l'organe de propagande. Ça, c'était la mission de Le Temps qui reflétait l'Union nationale. Le jupon ne dépasse qu'en période électorale et en éditorial, dans un espace limité. Le reste du temps, on veut un journal, grand journal, ouais, populaire pour avoir un auditoire. C'est confirmé par l'étude minutieuse, en fait, la thèse de doctorat de Mathieu Noël. Mais là, Pierre Péladeau, lui, entre dans le portrait par la suite, dans les années 60. Lui, il note ça, puis il trouve que cette formule est rentable. Il avait dirigé des journaux de quartier. Il dit, ça serait bon pour moi, un journal. Alors, il fonde le Journal de Montréal dans les années 60. C'était pas syndiqué, ça coûtait moins cher. Et même formule, même tabloïd, oui, même formule. C'est très proche, ces deux journaux-là sont très proches. Il y a même des tableaux de résultats qui sont piratés. Et me disent les journalistes du Montréal Matin, on copiait les mêmes fautes. Et même il y avait une taupe au Montréal Matin qui donnait les résultats, ou surtout la première page du Montréal Matin au concurrent Journal de Montréal. Alors, il n'y a pas d'éditorial. Pour Péladeau, ouais, pas d'éditoriaux à cette époque, pas non plus cette orgie d'opinions par dizaines que l'on trouve aujourd'hui. Est-ce que ça va faire mal, puisqu'ils se ressemblent tellement, ces deux journaux, et qu'ils se copient même, est-ce que ça va faire mal au Montréal Matin, l'arrivée du Journal de Montréal? Au début, non. Sauf que Péladeau réussit un coup de maître, c'est-à-dire que Jacques Beauchamp, grand commentateur sportif, avait des informations et des entrevues privilégiées, ouais, avec le Canadien, à l'époque où le Canadien gagnait, n'est-ce pas? Beauchamp était mécontent de ses conditions de travail à Montréal Matin. Le patron, Régent Desjardins, a fait l'erreur de le prendre de haut. Alors, Jacques Beauchamp va passer en 69 du Montréal Matin au Journal de Montréal et, en plus de ses fonctions, va diriger la salle de rédaction. Alors, et l'autre coup qui va affaiblir Montréal Matin, c'est la mort prématurée de son éditorialiste talentueux qu'on a entendu, ouais, Lucien Langlois, en, ouais, 1970. Ah, ça va faire mal. Puis l'histoire autour de Jacques Beauchamp, ça montre aussi l'importance qu'auront les chroniqueurs dans l'histoire de ce journal du Montréal Matin. Absolument. C'est des voix très, très, très fortes, absolument, de journal. 72, l'Union nationale vend le Montréal Matin. Pourquoi, Marc Laurendeau? Chaque chef, je vous le disais, devenait personnellement propriétaire des actions. Chacun des chefs y a placé ses observateurs au journal, mais laissait au journal sa marge de manœuvre, sauf Gabriel Loubier en 1971, qui d'abord a menacé de faire une purge, a fait de la micro-gestion au journal. Ça se passe très mal, des querelles au journal, des querelles au parti. Les relations sont extrêmement tendues. Et puis Gabriel Loubier décide tout à coup de vendre le journal pour encaisser et renflouer l'Union nationale, préparer le congrès à venir, parce que le parti était devenu exsangue. Et ce qui fait que le journal est vendu une première fois, l'Union nationale s'en départit, mais l'acheteur est là, mais pas longtemps. Ça va se retrouver assez vite dans les mains de Power Corporation, oui, qui est propriétaire de la presse. On revient un petit peu au début du journal, hein, à ce lien entre le Montréal Matin et la presse. Pourquoi Power Corp décide d'acheter le Montréal Matin? Montréal Matin devient pour Power Corp une espèce de rempart pour protéger le marché du matin. Alors, on faisait tirer une voiture par jour, c'était une idée volée au Journal de Montréal, une voiture par jour. Power investit aussi, et ça, c'est ça qui est intéressant, pour diversifier la salle de nouvelles du Montréal Matin. Bref, l'achat par Power est une bonne nouvelle à moyen terme, mais cela va s'avérer une mauvaise nouvelle, ouais, À long terme. Je précise qu'à la page éditoriale, moi, j'avais pu embaucher des gens comme Daniel Latouche, Mathias ouais. Rioux, Solange Chapuroland, et avoir Berthiaud, avoir une page extrêmement diversifiée, finalement. C'est une bonne période. C'est là où oui. vous êtes là. Vous, quand Power Corp achète le journal, ça va bien. Là. C'est un nouvel âge d'or. Je ne suis pas tout seul à penser ça. Il y avait des sondages. Ouais. On a développé une édition du dimanche qui était très populaire et bien faite aussi. Ouais. C'était, Jean-Vé Dufresne le dit très bien là, au début de cette émission. Ouais. Un journal qui était sérieux. On aimait le faire, bien. Ce ouais. journal-là. Mais vous le dites bien, c'est un piège. La presse, c'est autant c'est une injection de fonds, c'est une impulsion qui est donnée au Montréal Matin, autant l'achat par la presse, par Power Corporation, qui détient la presse, va avoir raison de ce journal-là qui meurt le 27 décembre 1978. Le vice-président exécutif de la presse et de Montréal Matin, M. Fernand Roy, a indiqué cet après-midi que la décision de fermer avait été prise après avoir examiné la situation de près au cours des 6 derniers mois. Le tirage du journal était tombé à quelque 90 000 copies par rapport à 136 000 avant le conflit de travail commencé en octobre 1977. Depuis la réouverture en mai 1978, le quotidien a accusé des pertes de 3 200 000 $. Et pour l'année prochaine, on prévoyait des pertes encore plus élevées, tandis que le tirage donnait tous les signes de vouloir décroître plutôt qu'augmenter. M. Roy a ajouté que le conflit de travail, qui a duré 7 mois, avait été, à son avis, la cause principale d'une perte considérable de lecteurs à la faveur du Journal de Montréal. La décision de fermeture a été annoncée aux employés aujourd'hui seulement. Environ 225 employés perdront leur emploi, comprenant les journalistes et le personnel administratif et de bureau. Une soixantaine de ces derniers, d'ailleurs, travaillaient pour la presse. Aucun plan de transfert de personnel n'est prévu, la presse ne pouvant absorber de nouveaux employés. Charles Tisser, à Montréal. Donc, c'est la grève à la presse, Marc ouais. Laurendeau, qui provoque la fermeture du Montréal Matin. Pourquoi? C'est quoi l'équation entre les deux? C'est qu'on a tenté de réunir les moyens de production, que les rotatives que nous avions dans le bel édifice de la rue Saint-Joseph, là, qu'on fasse imprimer le Montréal Matin dans l'édifice de la presse et que le réseau de distribution soit aussi celui de la presse. Ouais. Alors, de là à ce que les salles soient fusionnées, Luc Beauriard, qui était notre éditeur au Montréal Matin, s'y est opposé. Il a même loué des locaux dans le Vieux-Montréal pour empêcher ça, mais il y a eu une rivalité entre lui et Lemelin. Lemelin voulait qu'on déménage à la presse. Beauriard a été congédié. Il y avait des interventions dans la salle de rédaction du Montréal Matin. Et la grève de la presse, puisqu'on était dans le même édifice qu'eux, on était obligés de faire la grève nous aussi. Alors, revenir au bout de 7 mois, c'est vrai que les tirages avaient baissé, mais on nous avait piégés en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout fait pour sauver le Montréal Matin. Là. C'est-à-dire qu'on nous a placés dans une situation pour économiser, mais pour contrôler le Montréal Matin. Alors, il y a eu des querelles entre les deux éditeurs. Michel Lard aussi, ça n'a pas été très bien avec Lemelin. Alors, finalement, c'est le président de Power Corp, M. Paul Desmarais, qui a tranché. Ouais. On ferme le Montréal Matin. Ce quotidien est né d'une querelle à la presse et il a péri par une querelle à la presse également. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission, ancien éditorialiste en chef au Montréal Matin. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.